spectaculaire dans ma vie. C'est comme d'hab, cicatrice mes plaies, c'est ça la vie d'arabe. Y'a des hauts, des basses qui inspirent mes barres. Plus de bars, j'me débat, frère, j'garde la beubar. Utopie d'une jeunesse dans l'espace Schengen. C'est plus des factices mais des brolis que les petits dégaines. C'est, on a souffert, petit Honda, baraque ou crack. On se plaint mais faut s'en mettre à la sarade. Perdre un proche, c'est dur, comment faire le deuil. Malgré les larmes, on se dit fort, c'est ça l'orgueil. Famille pauvre, j'en ai toujours eu honte avant que je mûrisse. C'est qu'éphémère, frère, on va tous mourir. On sort le bif, seulement si tu rabaisses. Alors on squatte, Argenteuil, les bosquets, le marché de Barbès. On a deux parents, mais qu'un seul créateur. Cinq piliers, cinq prières, on ferait aucune barrière. Dans la vie, tu sais ce qui comptait. Pas ce coup dur que tu dois surmonter. Mais tu sais, on a beau avoir grandi ensemble, 400 coups ensemble, on se ressort bien que l'argent qui nous rassemble. Dans la vie, tu sais ce qui comptait, pas ce coup dur que tu dois surmonter. J'oublie les épreuves, les échecs et les doigts. Quoi qu'il se passe, je retranscris dans mon peur. On rêve de sub, de sub, et on claque des barres. Casse des barres, en été c'est le grand départ. J'rappe pour les petits frères de la thèse. Les grands, les potes, les meufs et ceux des autres check. Les sœurs de mes potes sont mes sœurs, ça n'a pas de prix. Les barres de rire qu'on se tape à n'importe quelle heure, t'sais. Quand on est tous ensemble, c'est pas la même. Chacun de son côté, on croirait qu'on a la haine. Bizarrement, Iblis nous plonge dans ses bras, on se laisse attirer. Dernier appel, on pense qu'à se tirer. C'est pour Joe Bailly, Miger et Douane. La triade qui patate au flot de bataille. MAD, Buzz, Macram, Mastar, Ego, Masta, All Star sur une Tesla. Tesla. Dans la vie, tu sais ce qui comptait. Pas ce coup dur que tu dois surmonter. Mais tu sais, on a beau avoir grandi ensemble. 400 coups ensemble, on se ressort bien que l'argent qui nous rassemble. Dans la vie, tu sais. Ce qui comptait, c'est pas ce coup dur que tu dois surmonter. J'oublie les épreuves, les échecs, les doigts. Quoi qu'il se passe, je retranscris dans mon corps. Ceux qui tabassent, les youvoi, les papas, les mamas. C'est rabat, albat, c'est avec l'instro, la tabasse. Souvent tente, et c'est la détente, et le haram sur la tempe. Le chétan ta trompe, et en bas de nos tours, HLM, on pense qu'à se barrer. Le kiffer du pays, du chiffre, ensuite se marier. La big rave, les allocs pour payer le loyer. Lâche une arme devant l'assistante sociale, t'auras le droit de crailler. On est tous bilingues, pourtant pas niveau scolaire. En calèche ou dehors, frère, c'est la même galère. La merde et la foi, en période de crise ou pas, bien ou pas. Frère, ce système nous fait marcher ou pas. Dans la vie, tu sais ce qui comptait.